version très discount, elle est fraîche. Elle est... Une minute là. Alors, pas de ce côté, là, il n'y a pas de bon. Comment ? Mais en vrai, il y aura quelques personnes en repos. Je pense qu'il y aura forcément quelques. Ils ont besoin de stagiaires. Je lui dis, moi je donne les trucs. Les chats ont une certaine indépendance. Bah, vous êtes chez eux. Exactement. J'ai, comme j'étais sollicitée pour être assistante. Ouais.